Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Bon, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que l'Avalanche du Colorado a gagné 5-3 sur les Flames de Calgary hier. Samuel Girard a été blanchi et a terminé la rencontre à 18 minutes 16 secondes et a terminé à plus 1. Marie, on est hier dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec Marianne Saint-Genest. On sait que Marianne est revenue de Pyeongchang. Ça a été des jeux quand même assez difficiles dans son cas. Et Marianne Saint-Genest ne se sentait quand même pas nostalgique trop, étant donné que c'était ses derniers Jeux olympiques. Ben, j'ai essayé de pas aller là nécessairement, parce que pour moi, je voulais pas voir ça comme une finalité. T'sais, oui, ça reste mes derniers Jeux, mais je voulais quand même que ça reste une expérience inoubliable. Puis... je voulais pas m'arrêter justement à ce détail-là. C'est sûr que la dernière journée, ça m'a beaucoup rentré dedans. Là. Okay. J'ai essayé d'être solide, j'ai essayé d'être forte tout le long de ces jeux-là, puis ça n'allait pas comme je voulais. Mais ouais, la dernière journée, là, c'est beaucoup de déception qui est rentrée en bout de ligne, mais il y a aussi cette espèce de nostalgie-là qui m'a frappée. Puis je me suis dit, ben malheureusement, c'était mes derniers jeux. Puis ben ça ne s'est pas passé comme je voulais, mais... Et Marianne nous parle évidemment que, de la frustration du 3000 mètres où que l'équipe canadienne a été éliminée. Honnêtement, chaque distance a été un deuil à faire, en parenthèse, si je peux dire ça comme ça. Le 3000 mètres relais, oui, a fait mal parce que j'avais l'impression qu'on prenait un coup pour 4, c'est pour 5 en fait, on est 5 dans cette équipe-là. Fait que c'est ça reste discutable. La disqualification, mais aussi le fait que nous, on était disqualifiés pour un geste, puis que d'autres équipes n'avaient pas été disqualifiées pour le même geste dans la même course. Fait qu'il y avait beaucoup d'éléments qui ont rentré en bout de ligne. Mais oui, ça m'a fait mal parce que ça a été le troisième coup, là, après mon 500, après mon 1500, il y a eu ce relais-là. Donc là, ça a comme été le troisième coup. Il restait une journée de course après ça. Fait que ouais, il a fait plus mal, puis je pense qu'il a laissé des. Et Marianne Saint-Genest ne veut pas prendre les championnats du monde qui vont être présentés très très bientôt à Montréal comme une compétition pour se racheter des Jeux olympiques de Pyeongchang. À ces championnats du monde là, ça va rien donner que j'ai pas réussi à aller chercher aux Jeux. Fait que non, je le vois pas comme c'est comme une rédemption dans le sens aller chercher qu'est-ce que j'ai pas eu là. Je pense que on est conscient que le sport olympique, ben c'est les Olympiques notre fenêtre, puis les championnats du monde, ça devient second. Puis en cette année olympique-là, les championnats du monde deviennent très, très secondaires. Je le fais pour moi, ces championnats du monde-là. C'est ma dernière compétition. C'est devant mes fans, c'est ma fenêtre pour sortir en gagnante. Mais je pense que peu importe les résultats que je vais avoir là, les gens vont être derrière moi. C'est ce qu'ils m'ont prouvé dans les dernières semaines. Fait que moi, je vais les offrir aussi... Des super performances pour que cette histoire-là se termine. Non, on va parler du maire de Roberval, Sabin Côté, qui était de passage sur les ondes de CKJ mardi. Et Sabin Côté a parlé du projet de la Ligue nord-américaine à Roberval. Et dans un premier temps, il mentionne que sa rencontre avec Christian Martel s'est quand même très bien déroulée. Et la Ligue nord-américaine, aux yeux de Sabin Côté, est une ligue très, très sérieuse. Et la démarche vaut la peine au moins d'être examinée. C'est des gens sérieux, c'est des gens structurés. On a rencontré deux autres commissaires avec Monsieur Martel. Donc, puis moi, j'étais accompagné de notre directeur des loisirs qui un peu supervise, si vous voulez, là, le projet de notre nouvelle infrastructure d'arène. Donc, c'est un projet qu'on voulait apprendre à connaître davantage. On a reçu le cahier de charge. On est en train d'analyser la situation là, suivant la rencontre qu'on a eue avec les promoteurs de la Ligue. Qu'est-ce qu'on dit dans le cahier de charge? Est-ce qu'il y a des sommes d'argent? Est-ce qu'on parle d'un budget? Il y a un estimé budgétaire, oui, effectivement. Dans un deuxième thème, à mes côtés, mentionne qu'il n'y a eu aucune approche de fait auprès des commanditaires et des entreprises pour s'associer à la Ligue nord-américaine de hockey pour le moment. La Ville? Non, pas pour le moment, parce que on a seulement qu'une rencontre avec les commissaires. J'ai discuté, moi, deux fois via téléphone avec M. Martel. La saison, en fait, tire à sa fin, donc le timing est bon pour analyser la possibilité. Nous, on a déjà une équipe junior du A, donc il y aura à faire aussi le post-mortem de la saison avec avec les administrateurs de cette équipe-là et voir eux comment ils voient ça potentiellement s'intégrer, puis comment on dynamise un pôle de hockey à Robertville. Donc, mais c'est sûr que la dimension de la Ligue américaine de hockey, je vous dirais, il faut le voir vraiment dans une dynamique. À Ville de Robertville, on essaie de tout aborder en développement durable. Donc, il faut voir la retombée communautaire, il faut voir la retombée économique aussi. C'est un projet qui est suffisamment d'envergure pour le travailler sérieusement, puis et éventuellement évaluer correctement les retombées économiques qu'on pourra avoir de cette. Et je termine avec une nouvelle, évidemment, hier, le Centre Georges Vézina va réouvrir dans environ 15 jours. Réuni hier lors d'une conférence de presse, la mairesse José Néron a annoncé qu'il y aura des travaux de renforcement de la couverture qui va générer des investissements de 100 000 $ qui seront faits au cours des prochaines heures. Réuni hier donc à Ville-Saguenay, José Néron en a fait l'annonce en compagnie de la firmerie Gemelle. Et plusieurs mesures également autres seront accomplies pour permettre au Centre Georges Vézina d'être sécuritaire, dont un plan de 12 pouces qui devrait être observé pour que la toiture tienne. Le président de Gemelle, Justin Pagé, recommande également la fermeture du Centre Georges Vézina en 2024 si rien n'est fait. Par ailleurs, la mairesse José Néron se dit favorable à un nouvel amphithéâtre à deux glaces, dont une olympique au centre-ville de Chicoutimi. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Plusieurs intervenants hier. On a parlé avec Peter Yiannopoulos de TSN Radio du scandale qui secoue actuellement la NCAA. Également, je me suis entretenu aussi avec Guy Saint-Just de la chronique de la Ligue JMS, la chronique de la Ligue nord-américaine avec Gilles Péloquin. Et également, vous pouvez écouter l'entrevue que le maire de Robertville, Sabin Côté, a réalisé à la station CKJ en compagnie de Michel Tifo et Dominique Bolduc. Sport local et régional, à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.